The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Restroom. Les toilettes. Floor. L'étage. Where? Où? Stairs. Les escaliers. There. Là. Now, a bit faster. Floor. L'étage. Where? Où? Stairs. Les escaliers. Floor. L'étage. There. Là. Restroom. Les toilettes. Stairs. Les escaliers. There. Là. Floor. L'étage. There. Là. Now, use the words in context. Les toilettes. I'm looking for the restroom. Je cherche les toilettes. L'étage. On the third floor. Au troisième étage. Où? Where are my things? Où sont mes affaires? Les escaliers. The stairs are there. Les escaliers sont là. Là. It's there. C'est là. Les toilettes. I'm looking for the restroom. Je cherche les toilettes. L'étage. On the third floor. Au troisième étage. Où? Where are my things? Où sont mes affaires? Là. It's there. C'est là.